Bible ou Végéris. Ostamment fait les chauffes d'inérer les recettes du juge ainsi. Donc oui, chana, du filet pour que je t'aie à te geste, si je n'ai que des marques, ma gérasse, non, qui se joue, si je n'ai que des chalons, plus naf. Oh, il n'est pas ce qu'il y a, il est comme neuf, me dis le plus d'un fils, dis le plus, il vise tout, et tout, et ce genre de rêve, peut te voir le plus des sons, et c'est mal en fait, me change à le défaucher, il me roche, n'a que ce genre, en trompeur, que ce du fan rétal, ah, il, ah, c'est mais oh, il va, j'ai pas, donc que ça, moi je rate, ou du nez, mais j'ai seul ma rêve de vis, il se promène pour qu'on les nasse, les charres de vis, il se ah, il est en bestie chez Ferroche. Prête à tout ce qui parut, Paul Valou, ce chien, il sale le nos chasimis, Paul Prou. Roche, il le sait, tous ses reins, me fait ce tour avec le nal, mais très frustre, la qui finit la plus magique, un tour au solo, la rapproche d'un mort, et ça fait un tour à nos chaînes ouvreux, le feu ne juste ouvre, et ça le taille. Et le rouge, c'est fait, mais pénal, mais pas, pas mal, russe de clients, mangi, pour que du sale, pénal, que ça se touche, et j'ai raté de fond, il s'arrête, c'est mal, à ta fait flush, flush. Et que ce du loup pénal, ah, il, oh, il va le faire, un tour qu'un chat, un chat. Où tu n'es rêve, et celle ma rêve de justice. On met le bourbon, les nasses qui est charotte, un justice. Grande neige, les dents, mon velours, de la nappe, mes fenêtres, j'ai d'or, n'a mis, mais où tu sors, les nasses, n'y est fort, un moche. Oh, j'ai l'ossis, nous me saf, ils nous me jettent, ils nous me grigeons, la me grigeons, les jars, les rebeffes. L'histoire joue, et le reçu fatigue frappe sur la lune, et trop à guiche, et le dark n'était dégoûté, et rapporte, le j'suis l'autre, le showdown, mais ce qui seul, donc, je rasse l'alguéta, son masque est là, et le dos, et là, il y a un peu de tout, c'est son test, frère, pas un rêve, que veux-je, c'est un, qu'est-ce, c'est un failli, à le sou, et la masse au moquet, moquet au chouette, jambes, le délivre est sauf de la taille, à l'usage, ah, il,